بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, toujours dans la traduction, il y a quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wisabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le cours dernier, on a terminé d'énumérer les 10 actes qui annulent l'islam, le premier étant الشرك بالله, le second étant l'apostasie, le troisième étant le fait de ne pas rendre mécréants ceux qu'Allah et son envoyé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont rendu mécréants, le quatrième qui est de croire ou de considérer qu'il y a une voie meilleure que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il y a un jugement meilleur ou similaire à celui du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième est le fait de détester une chose qu'a légiféré le prophète alayhi salatu wassalam, même si la personne met en pratique celle-ci. Le sixième acte qui annule l'islam, c'est bien sûr de se moquer d'Allah ou de son envoyé ou de tout autre emblème de l'islam. Le septième étant la sorcellerie, qui est de deux sortes, comme on l'a vu le cours dernier. La sorcellerie qui est utilisé pour attirer les gens vers ce que, pour habitude, ils n'aiment pas, ou ils ne sont pas attirés vers cette chose, et il y a la sorcellerie utilisée pour faire fuir quelqu'un d'une chose qui, à la base, est appréciée d'elle. Le huitième acte qui annule l'islam, c'est le fait de donner la victoire aux non-musulmans et de les aider contre les musulmans. Le neuvième acte qui annule l'islam, c'est de considérer qu'il est autorisé de se soustraire à la législation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ou de considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une partie de la communauté et non pas à une autre. Ceci fait partie des actes qui annulent l'islam. Et le dixième acte qui annule l'islam, c'est le fait de se détourner de la religion d'Allah, c'est-à-dire de ne pas apprendre ce qui fait partie des bases de la religion et ce que tout musulman ne peut ignorer. ثم قال المؤلف رحمه الله حكم الهازل والجاد والخائف والمكره في هذه النواقض. Après avoir cité ces 10 actes qui annulent l'islam, le cheikh cite maintenant le jugement de celui qui a fait l'un de ces actes annulatifs, soit en se moquant, soit en étant sérieux, ou soit en ayant peur pour sa personne ou pour ses biens, ou en étant contraint à cela. Il dit, rahimahullah, la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bayna al-hazili wal-jaddi wal-khaifi ala malihi wa jahihi illa al-mukrah. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه دليل ذلك قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ودليل المكره قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم راجع لنواقض الإسلام كتاب التبيان شرح نواقض الإسلام للشيخ سليمان بن ناصر العلوان ونواقض الإسلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز rahimahullah ta'ala. Donc il dit rahimahullah, il n'y a pas de divergence ou il n'y a pas de différence sur l'ensemble de ces actes qui annulent l'islam entre celui qui les dit pour plaisanter, celui qui les dit de façon sérieuse ou celui qui les dit en ayant peur pour sa personne, pour ses biens et sa personne, sauf celui qui est contraint. Sauf celui qui est contraint. Donc celui qui dit ou qui fait l'un de ces 10 actes en plaisantant, eh bien cela est pris en compte. Ou de façon sérieuse, cela est pris en compte et il n'y a nul doute sur ce cas. Et celui qui a peur de son argent ou qui a peur pour sa personne, il faut donc différencier entre avoir peur pour sa personne et être contraint. Ce sont deux choses qui sont différentes. Tu peux avoir peur sans forcément y être contraint. Donc, la contrainte est la seule exception qui, lorsque la personne commet l'un de ces 10 actes, ne le fait pas sortir de l'islam. Et tous ces actes annulatifs sont extrêmement graves et beaucoup malheureusement tombent dans cela. Il est donc demandé aux musulmans de prendre garde, de ne pas commettre l'un de ces actes qui annulent l'islam et d'avoir peur pour sa personne de tomber dans la mécréance. La preuve est la parole d'Allah Azzawajal dans Surat At-Tawbah, verset que l'on a déjà vu, dit « Est-ce d'Allah de ses signes et de son envoyé que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. » Donc ici Allah Azzawajal n'a pas accepté l'excuse de ceux qui se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam, de ces hypocrites, alors qu'ils ont prétendu qu'ils disaient cela uniquement pour plaisanter et qu'en réalité ils ne le pensaient pas. Et la preuve de l'exception de la contrainte, c'est la parole d'Allah Azzawajal dans Surat al-Nahl, Surat les abeilles, où Allah Azzawajal dit « Celui qui a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur est apaisé par la foi. » Mais, c'est-à-dire ce n'est pas celui-ci qui est mécréant, mais c'est plutôt ceux qui ouvertement et délibérément ouvrent leur cœur à la mécréance. C'est-à-dire qui ouvrent leur cœur à la mécréance de façon totalement volontaire. Alors à eux, la colère d'Allah, et ils auront un châtiment immense. ثم قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعريف الإيمان. Ensuite le cheikh donne la définition de l'Iman. الإيمان لغة التصديق كما في فتح الباري وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La définition linguistique de la foi, c'est « at-tasdiq », c'est-à-dire de considérer vrai, comme cela est cité dans Fath al-Bari. Et d'autres savants ajoutent à cela « al-iqrar », qui est l'acceptation, de considérer vrai, mais aussi d'accepter, comme le dit entre autres Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants également. Et ils disent que de se contenter de dire que c'est uniquement « at-tasdiq », c'est-à-dire considérer vrai, que cela n'est pas suffisant pour définir la foi linguistiquement, mais il faut y ajouter al-iqrar, qui est l'acceptation. Et la définition de la foi en islam, ce sont des paroles prononcées par la langue, c'est une foi ou une croyance par le cœur, ce sont des actes qui sont faits avec les membres du corps, et cette foi augmente grâce aux bonnes actions, et elle diminue à cause des mauvaises actions. Ainsi, on définit les savants la foi en islam. Ce sont donc des paroles, ce sont des croyances que tu crois avec ton cœur, et ce sont également, ou la foi c'est également, des actes par les membres de ton corps, et cette foi augmente et diminue. فائدة قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, dans son explication de l'aqidah al-Tahawiyya, qui est l'une des meilleures explications de ce livre, il dit: les gens ont divergé sur ce que voulait dire ou ce que signifiait le mot al-Iman. Ils ont beaucoup divergé. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Al-Awza'i, Ishaq ibn Rahawai et l'ensemble des gens du hadith, des savants du hadith, ainsi que les savants de Médine, les savants de Zahir et certains parmi les mutakallimin disent que la foi c'est de considérer vrai, c'est-à-dire de croire avec son cœur, d'attester avec sa langue et d'agir avec les membres de son corps. Et Cheikh Al-Wissab dit « وَهَذَا هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » Et ceci est la croyance des gens de la sunnah. وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ. Et certains parmi nos compagnons, et ici c'est l'imam Ibn Abi al-Izz qui le dit, qui fait partie de l'Hanafiyya, dit l'avis de l'imam Tahawi, à savoir que c'est l'acceptation avec la langue et c'est de croire avec son cœur. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي ويروى عن أبي حنيفة. Et d'autres ont dit que de dire avec la langue, d'accepter avec la langue, que c'est une condition ajoutée qui n'est pas existante à l'origine, et c'est le madhab d'Abu Mansour al-Maturidi, d'où al-Aqidah al-Maturidiyya. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان. الكرامية, ça on l'a vu dans l'explication de l'Umat al-Atiqad, disent que la foi c'est uniquement d'accepter et d'attester avec sa langue. ثم قال فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد. Et en الحقيقة, tous les avis cités après l'avis des gens de la Sunna est erreur et égarement. Et concernant le Karamiya, qui disent que la foi c'est uniquement d'attester avec sa langue, eh bien ils disent, où l'on comprend de leurs paroles, comme l'a dit Al-Imam Ibn Abi al-Izz, que les hypocrites sont chez eux des croyants. Car les hypocrites, est-ce qu'ils attestent avec leur langue? Oui, ils attestent avec leur langue, donc ils font d'eux des hypocrites qui ont une foi complète, mais ils disent, malgré cela, pour ne pas se contredire, que malgré cela, eh bien, ils méritent le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. Et الجهم بن أبي صفوان دو العقيدة الجهمية. Donc العقيدة الجهمية à sa tête il y a جهم بن صفوان et أبو الحسن الصالحي, l'une des têtes de القدرية, disent eux que la foi c'est uniquement la connaissance du cœur. À partir du moment où le cœur atteste qu'il y a un Dieu, eh bien cela suffit pour faire de lui un croyant. Et bien sûr, cela est pire que la vie qui précède. Car la vie qui précède disait qu'il fallait le dire avec la langue. Et qu'est-ce qui est le plus facile, de dire avec la langue ou de dire avec le cœur? De dire avec le cœur. Donc ceci est un égarement plus profond que l'autre. Et de dire cela, c'est-à-dire que la foi c'est uniquement croire avec son cœur, et bien cela comme le dit l'imam Nabil Aiz, فَإِنَّ لَازِمَهُ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ عَرَفُوا صِدْقَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمَا وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين بل به بل كافرين به معاندين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب بما أغويتني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعل الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. Il dit, l'imam Nabil Aiz, rahimahullah, et le fait de dire que la foi consiste uniquement à attester avec le cœur, eh bien de cela signifie que Pharaon et son peuple étaient des croyants, car ils savaient, ils connaissaient la véracité de Moussa et de Haroun, alayhim as-salam, mais ils n'ont pas cru en eux. Et la preuve qu'ils connaissaient la véracité du message avec lequel est venu Moussa, alayhi salam, et son frère, Haroun, alayhi salam, lorsque Moussa a dit à Pharaon, dans Sourate al-Isra, tu sais très bien que tous ces miracles-ci proviennent du Seigneur des cieux et de la terre, et qui sont des preuves évidentes. Et Allah, Azza wa Jal, a dit en parlant de Moussa, de Pharaon et de son peuple, « وَجَحَدُوا بِهَا » Ils ont renié ces signes. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Alors que leur personne en était persuadée. C'est-à-dire de la véracité. ظُلْمًا وَعُلُوًا Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Par offense et par orgueil. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Regarde quelle est la fin de ceux qui sèment la turpitude. Et la fin de Pharaon, chacun d'entre nous la connaît. Et les gens du livre, si l'on part de ce principe, connaissaient, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissaient leurs enfants. Mais ils ne croyaient pas en lui. Bien au contraire, ils étaient mécréants et porter atteinte au prophète alayhi salatu wassalam. Et si l'on raisonne ainsi, l'on dit aussi qu'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort mécréant, a dit, dans un des vers qu'il a récité, « Et j'ai su que la religion de Muhammad fait partie parmi les religions existantes et la meilleure des religions existantes. » لولا الملامة أو حذار مسبة si ce n'était des reproches ou la peur d'être insulté لوجدتني سمحا بذاك مبينا tu m'aurais trouvé en expliquant cela de façon manifeste c'est-à-dire tu m'aurais trouvé musulman et ayant embrassé cette religion mais pourquoi Abu Talib ne l'a pas fait il avait peur des reproches et des représailles de son peuple. Et si on continue ce raisonnement, Iblis, alayhi l'anatullah, lui aussi est un croyant. Si l'on considère que la foi c'est uniquement attesté avec le cœur, eh bien le diable, Iblis, est selon Al-Jahm ibn Safwan, un croyant qui a la foi complète. Car est-ce qu'Iblis ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala? Si, il croyait en Allah, et la preuve est dans plusieurs versets, dans Surat Al-Hijr, dans Surat Al-A'raf aussi, où Iblis a dit: Ô mon Seigneur, retarde-moi jusqu'au jour où ils vont être ressuscités. Où il dit, dans Surat Al-Hijr également: Qala Rabbi bima aghwaytani, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Et dans Surat Sad, il a juré par la puissance d'Allah. Il a dit: par ta puissance, je les détournerai tous. Je ferai en sorte qu'ils dévient tous du droit chemin. La mécréance donc chez Al-Jahm ibn Safwan, c'est l'ignorance d'Allah. C'est de ne pas connaître Allah. Et il dit, c'est-à-dire Al-Iz ibn Abi Salam, Ibn Abi Al-Iz, Afwan, Ibn Abi Al-Iz dit: وَلَا أَحَدَ أَجْهَلَ مِنْهُ بِرَبِّهِ. Et il n'y a pas une personne plus ignorante de son Seigneur que lui. Il parle de qui? De Al-Jahm ibn Safwan. فَإِنَّهُ جَعَلَ الْوُجُودَ الْمُطْلَقَ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ الْوُجُودَ الْمُطْلَقَ. Car il dit d'Allah que c'est toute l'existence. Parmi la croyance de Al-Jahm ibn Safwan, c'est que tout ce qu'il y a, c'est Allah. Wal-iyadu billah. Et il a enlevé à Allah l'ensemble de ses attributs. Car Al-Jahmiyyah ne croit en aucun nom et en aucun attribut. Ainsi, il ne croit en rien, et c'est donc l'une des personnes les plus ignorantes de son Seigneur. Et ainsi, comme l'a dit Ibn Abi Al-Iz, il devient mécréant par sa propre attestation. Car pour lui, de ne pas connaître Allah, c'est ça la mécréance, et il fait partie des personnes qui connaissent le moins Allah subhanahu wa ta'ala. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. Ibn Abi Al-Iz rahimahullah dit: il y a d'autres avis, d'autres sectes qui ont d'autres croyances, mais je m'abstiens de les citer afin de raccourcir. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والإيمان عند الأشاعرة هو التصديق كما في فتح المجيد باب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. Et الشيخ الوصابي rajoute: la croyance de l'Ash'ari, qui pour eux la foi c'est uniquement de considérer vrai. قلت ولا شك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة وهو أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Il dit, حفظه الله, il n'y a aucun doute que la vérité est la parole des gens de la sunna, à savoir que la foi, c'est à la fois des paroles prononcées par la langue, une croyance qui a lieu avec le cœur. Ce sont des actes qui ont lieu avec les membres du corps. Il augmente, cette foi augmente avec les bonnes actions et diminue à cause des mauvaises actions. ثم قال: واركان الاسلام واركان الايمان سته اعلم اخي المسلم وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال له جبريل عليه السلام صدقت. أخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن أبي هريرة. Les piliers de la foi sont au nombre de six. Sache, cher frère musulman, qu'Allah te permette d'accomplir ce qu'il aime et ce qu'il agrée, ainsi qu'Allah me permette et te permette d'accomplir ce qu'Allah aime et ce qu'il agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam l'a questionné sur la foi, a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et que Jibril, alayhi salam, lui a dit, tu as dit vrai, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Cheikh, hafidhahullah, cite les preuves que la foi augmente. Cite les preuves que la foi augmente. Les preuves, adillatu ziyadatil iman. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Donc les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent attester que la foi augmente. Le verset de Ali Imran 173 où Allah azza wa jalla dit « Ceux auxquels on a dit ou les gens ont dit « Les gens se sont réunis contre vous, ayez peur d'eux. » Ceci a fait augmenter leur foi et ils ont dit « Allah nous suffit et c'est lui notre meilleur garant, ou c'est lui en qui nous plaçons notre confiance. » Ce verset a été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la bataille de Uhud. Et vous savez que la bataille de Uhud, au final, est une bataille qui a été perdue par les musulmans à cause de la désobéissance de certains à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans ont péri, 70 parmi eux, et d'autres ont été blessés. Et une fois arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé ses troupes pour se préparer à combattre l'ennemi une prochaine fois. Et certains ont dit que les polythéistes se sont réunis et ont créé une armée et qu'ils se sont réunis pour vous. Ils se sont réunis à Fouan contre vous. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence face aux compagnons? Est-ce qu'ils ont eu peur en disant on est blessé, on vient de perdre, on vient de subir une défaite, beaucoup se plaignent de blessures, on ne peut pas sortir combattre une nouvelle fois? Non. Allah Azza wa Jalla dit « Fazadahum imana » Cela a fait accroître leur foi et ils ont dit « Allah nous suffit et c'est en lui que nous avons confiance. » Et Allah Azza wa Jalla dit également dans Sourate Al-Anfal « Les croyants sont ceux qui, lorsque Allah est rappelé ou lorsque le nom d'Allah est cité, leur cœur frémisse. Et lorsque ces signes sont lus, cela fait accroître leur foi et ils ont confiance en leur Seigneur. Et ils ont confiance en leur Seigneur. Cheikh Saadi rahimahullah a dit, explication de ce verset, الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ أَيْ خَافَتْ وَرَهَبَتْ فَأَوْجَبَتْ لَهُمْ خَشْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى الْإِنْكِفَافَ عَنْ الْمَحَارِمِ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. Il dit, rahimahullah, les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leur cœur frémisse. C'est-à-dire que leur cœur ont peur, qu'ils sont effrayés. Et ceci, cette peur, eh bien, fait en sorte qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose la plus grande qui permet aux croyants de se protéger des péchés. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَلْقُونَ لَهُ السَّمْعَ وَيَحْضُرُونَ قُلُوبَهُمْ لِتَدَبُّرِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَزِيدُ إِيمَانُهُمْ لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يتحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتقاء إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات أو ازدجارا عن المعاصي وكل هذا مما يزداد أو يزداد به الإيمان. Et lorsque les signes d'Allah ou les versets d'Allah leur sont récités, cela fait accroître leur foi. C'est-à-dire que ces croyants écoutent attentivement le Coran et les versets qui leur sont lus. Ils écoutent attentivement avec une présence du cœur, afin de méditer ce Coran. Et c'est ceci qui fait accroître leur foi. Car la méditation des signes d'Allah fait partie des actes du cœur. Et celui qui écoute et médite, eh bien, des sens vont lui apparaître, des sens qu'il ne connaissait pas auparavant. Ou bien, il va se rappeler une chose qu'il avait oubliée, et son cœur va le pousser à faire du bien et à espérer la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur de son châtiment et de délaisser les désobéissances. Tout ceci sont des choses qui permettent aux croyants d'augmenter leur foi. Wa qala ta'ala wa idha ma unzilat suratun, et le troisième verset et le verset 124 de Sourate At-Tawbah qui prouve également que la foi augmente. Et lorsqu'une sourate descend, certains d'entre eux disent « Ayyukum zadatu azhadi imana » Qui d'entre vous, celle-ci, a fait augmenter la foi? Et Allah Azza wa Jalla dit « Quant à ceux qui ont cru, elle a fait augmenter leur foi et ils sont heureux. » Et ils sont heureux. Le quatrième verset est le verset 22 de Sourate Al-Ahzab. Lorsque les croyants ont vu les coaliser, ils ont dit « هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ » Ceci est ce que nous avait promis Allah et son envoyé. Et Allah et son envoyé ont dit vrai. Et ceci n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Ce verset de Sourate Al-Ahzab raconte la bataille de l'Ahzab lorsque les coalisés sont venus entourer Médine et combattre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et lorsque les croyants ont vu les coalisés, tous ces polythéistes qui s'étaient réunis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ » Ceci est ce que nous avait promis Allah et son envoyé. De quelle promesse il parle? Il parle de la promesse qu'Allah Azza wa Jal a faite dans Surat Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal a dit « Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa' wad-dharra' وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله عز وجل dit dans sourate al-Baqara, Am hasibtum an tadkhulu al-jannah, pensez-vous que vous allez entrer au paradis? Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, et que vous n'allez pas subir la même chose qu'ont subi ceux qui vous ont précédé. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Allah عز وجل le dit, مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ. Ils ont été touchés par la misère et par la maladie, par des maladies. وَزُلْزِلُوا. Ils ont été secoués À quel point ils ont été secoués? حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. Au point que le prophète, c'est-à-dire qu'il leur avait été envoyé, et ceux qui ont cru avec lui, disent متى نصر الله. Mais quand la victoire d'Allah va venir. Qui dit ça à un prophète? Cela prouve que c'est quelque chose d'important qu'ils ont subi, que c'est une épreuve extrêmement difficile qu'ils passent. Et Allah Azzawajal a dit, en parlant aux compagnons et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans être éprouvés comme ceux qui ont été éprouvés avant vous? Donc c'est une promesse d'Allah Azzawajal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont être éprouvés. Et lorsqu'ils ont vu tous ces polythéistes entourer Médine, ils ont dit c'est ça que nous a promis Allah et son envoyé. Et en raisonnant ainsi, et en étant sûr et en croyant Allah Azzawajal, qu'est-ce que cela a fait? Ils ont dit Allah et son envoyé ont dit vrai. C'est une preuve, en voyant cela, c'est une preuve pour eux qu'Allah et son envoyé ont dit vrai, et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et le cinquième verset, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a fait descendre la sérénité et la quiétude dans le cœur des croyants afin que leur foi augmente. Afin que leur foi augmente. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Muddathir, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et ceux qui ont cru, leur foi augmente par rapport à ce qu'elle était auparavant. Ce sont quelques versets que le Cheikh a cités qui prouvent, comme vous l'avez bien vu, que la foi augmente. Donc celui qui vient vous dire que la foi n'augmente pas, eh bien, vous avez les preuves à votre disposition pour lui répondre. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses également. Selon Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous étions jeunes et que nous approchions l'âge de la puberté. Comme le dit Cheikh Sindi rahimahullah dans son explication de Sunan ibn Majah, Hazawirah, c'est le pluriel de Hazwar. Et Hazwar, c'est celui qui approche, qui se rapproche de l'âge de la puberté. Nous étions avec le professeur Asallam, étant jeunes, atteignant presque l'âge de la puberté, et nous avons appris la foi avant d'avoir appris le Coran. Puis nous avons appris le Coran et notre foi, grâce à l'apprentissage du Coran, a augmenté. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في صحيحه. Et dans le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et ici, la faiblesse est la chose forte dans le croyant, c'est quoi? C'est la foi, mais c'est aussi? C'est la force physique et c'est aussi la force de la foi. Donc c'est un hadith général du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est pris en compte dans cela la foi du croyant. Ainsi, le croyant qui a une foi plus grande que l'autre est meilleur et plus aimé chez Allah. De même que le croyant qui a une force physique plus grande que le croyant qui est plus faible physiquement est meilleur et plus aimé chez Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite « Wa fi kullin khayr » mais dans chacun il y a un bien. Dans chacun il y a un bien. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam « Ihris ala ma yanfa'uk » accours vers ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah et ne c'est-à-dire ne deviens pas fainéant et ne deviens pas paresseux. Et si une chose te touche, ne dis pas si j'avais fait telle ou telle chose, alors il se serait passé telle ou telle chose. Mais dis plutôt, Allah a décrété ainsi et ce qu'il veut a eu lieu. Car là où, car la parole si ouvre les actes du diable. De dire si, si j'avais fait si, il ne se serait pas passé cela, etc., etc. Ce si est une porte par laquelle va entrer le diable. Comment est-ce que le diable va entrer par cette porte? Eh bien, il va te faire regretter. Et il va te faire culpabiliser. Et voir te faire, ne pas te faire accepter ou faire en sorte que tu n'acceptes pas le destin d'Allah. Car, comme l'a dit le professeur Hassan concernant le destin, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et sache que ce qui t'a évité ne pouvait te toucher. Et ce que tu as fait, tu ne pouvais l'éviter. Donc il faut accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité les preuves que la foi augmente, Cheikh Al-Wissabi, hafidhahullah, cite les preuves que la foi diminue. « Min adillati nuqsan al-iman » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حديث أبو هريرة رضي الله عنه qui dit, ou le prophète صلى الله عليه وسلم dit, la foi est composée de 70 et quelques branches. La meilleure est la parole « La ilaha illallah » et la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin ou de la route et la pudeur est une branche de la foi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici la foi a des degrés. Il y a un degré meilleur et il y a le degré le plus bas. Cela prouve que la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Et selon أبو سعيد الخدري رضي الله عنه il dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire celui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par sa main. S'il ne peut, par sa langue, s'il ne peut, par son cœur, et ceci est le plus faible de la foi. C'est-à-dire de condamner un mal par son cœur, c'est le minimum de la foi. Donc cela prouve que la foi a un minimum et qu'elle peut baisser jusqu'à ce minimum. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Le hadith d'Abu Huraira que l'on a vu précédemment, le croyant fort est meilleur et plus inch'Allah que le croyant faible. Il y a donc la preuve dans ce hadith à la fois que la foi augmente mais aussi qu'elle diminue. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها أخرجه البخاري ومسلم. Et dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri rapporté par al-Bukhari et Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: je n'ai vu des êtres parmi les êtres qui ont une défaillance dans la raison et dans la religion qui font perdre la raison d'un homme ferme que l'une d'entre vous. En parlant aux femmes. À savoir que les femmes font perdre, peuvent faire perdre la raison à un homme qui a toutes ses facultés. Et ceci prouve que les femmes sont une tentation pour les hommes. On a beau, ou certains ont beau critiquer cela en disant mais les musulmans ne savent pas se retenir, c'est pour cela qu'ils font la misère à leurs femmes, etc., etc. Non, yani, la femme a la possibilité de détourner un homme, même l'homme qui a toutes ses facultés, et les exemples sont innombrables dans cela. Et les femmes qui étaient présentes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est leur défaillance dans leur religion, dans notre religion et dans notre raison, ô envoyé d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le témoignage d'une femme n'est-il pas la moitié du témoignage d'un homme? Elles ont répondu oui. Et le professeur Hassam leur a dit, ceci est leur défaillance dans leur raison. Et la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Ils ont dit oui. Et le professeur Hassam a dit, et c'est cela leur défaillance dans leur religion. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tanbih. أدلة زيادة الإيمان هي أيضا أدلة نقصانه. فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا. فهذه الآيات الدالات على زيادة الإيمان منطوقها يدل على زيادة الإيمان ومفهومها يدل على نقصانه. Et Cheikh Loussab fait une remarque en disant, les preuves qui viennent attester que la foi augmente sont aussi des preuves sur la diminution de la foi. Car avant d'augmenter, la foi était faible. Et ces preuves, ou tous ces versets qui prouvent, afwan, que la foi augmente, elles prouvent en soi, c'est-à-dire dans leurs termes, que la foi augmente, mais dans la compréhension, on en déduit aussi que la foi diminue. فائدة كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et il fait une deuxième remarque que tout croyant est musulman, mais pas l'inverse. Tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. Et la preuve est le verset 14 de sourate Al-Hujurat, où Allah Azza wa Jalla dit, les bédouins ont dit, nous avons cru, dit, vous n'avez pas cru, mais dit, vous vous êtes soumis. Car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. On sait qu'ils ont traduit? Comment ils ont traduit ce verset? ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. نعم. Donc ceci prouve que le croyant n'est pas forcément le musulman n'est pas forcément croyant. وعن أبي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري ومسلم. Et une preuve également que le croyant est musulman mais que le musulman n'est pas forcément croyant. Et le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué des dons. Et Sa'd radiyallahu anhu était assis et il regardait. Et il a constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné à un homme qui, pour Sa'd, était meilleur que les autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à des personnes, mais il n'a pas donné à d'autres. Et ceux à qui il n'a pas donné, parmi eux, il y avait un homme que Sa'd, radiyallahu anhu, estimait beaucoup. Et j'ai dit, ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas donné à un tel? Je jure par Allah que je le considère croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô musulman, je me suis tué, puis ce que je sais de cet homme m'a vaincu. Et je suis revenu à ma parole. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô musulman, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu s'est tué, mais ce qu'il voyait de cet homme et ce qu'il connaissait de cet homme comme bien et comme foi a été plus fort que lui et il a dit une nouvelle fois, ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas donné à un tel? Je jure par Allah que je le considère croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une seconde fois, ô musulman. Puis, ce que je sais de lui a été plus fort que moi, et je suis revenu à ma parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu en disant, ô Sa'd, je donne à un homme, et autre que lui est plus aimé chez moi. C'est-à-dire que, ô Sa'd, je donne à des personnes, mais d'autres personnes sont plus aimées chez moi. خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ. Mais j'ai peur qu'Allah le fasse plonger en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd qu'il donne à des personnes tout en sachant que d'autres personnes sont plus aimées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ses premiers de peur qu'Allah les fasse entrer en enfer. Et je vais vous lire l'explication de l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Il dit rahimahullah, ma'nahu ay u'ti nasan mu'allafa fi imanihim da'fun walaw lam u'tihim kafaru fayakubbuhum Allah fi an-nar. Il dit rahimahullah, la signification, c'est-à-dire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je donne à des personnes dont le cœur est proche de l'islam et dont le cœur est fragile et qui ont une foi faible. Et si je ne leur donnais pas, ils rentreraient dans la mécréance et Allah les ferait plonger en enfer. وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم. Et je délaisse d'autres personnes qui sont plus aimées chez moi que ceux à qui j'ai donné. ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم. Et je ne délaisse pas ces personnes pour les humilier, ni parce qu'ils sont moindres dans leur religion, بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام. Mais je les laisse avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur comme lumière et foi. Que ceux qui ont une grande foi, eh bien ils peuvent supporter des situations difficiles car ils ont la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur foi est grande vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela les aidera à surmonter les épreuves qu'ils pourraient rencontrer. Quant à ceux qui ont une foi faible, lorsque une épreuve les touche, eh bien ils peuvent, wal'ayadu billah, revenir sur leur religion. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam favorisait dans le don ces personnes plus que les autres. C'est clair ? فإذا أخرى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا أي إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام وإذا ذكر معا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلب. Et une autre remarque de Cheikh Al-Wisabi رحمه الله, l'islam et la foi, lorsqu'ils se réunissent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se réunissent. C'est-à-dire que lorsque l'islam est cité seul, eh bien, entre dans l'islam la foi. Et lorsque la foi est citée seule, entre dans la foi l'islam. Et lorsqu'ils sont cités les uns l'un après l'autre, eh bien, l'islam, ce sont tous les actes apparents, et la foi, ce sont tous les actes du cœur. Raji' kitab al-Iman li Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et pour celui qui veut plus de détails, qu'il retourne au livre, le livre de la foi de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et une troisième remarque. Al-mu'minuna qisman sabiquna wa hum al-muqarrabun wa ashab al-yamin wa hum al-abrar. Que les croyants sont de deux sortes, il y a as-sabiqoun. As-sabiqoun, as-sabiqoun, ulaika al-muqarraboun. Yani, as-sabiqoun, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, ce sont ceux qui s'empressent, les premiers, qui sont eux les rapprochés. Et il y a ashabul yamin, ashabul yamin, ima ashabul yamin, et les gens de la droite, qui sont aussi des croyants, et qui font partie des pieux. Et de l'élite. Il y a donc dans les croyants des degrés également. Il y a ceux qui sont rapprochés et il y a ceux qui sont pieux et qui sont respectés. On اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.